pure sensation de télé-rendez en ce moment, incapable d'agir, et toutes les parties concernées, parce qu'elle redoutait une descente de thé, qu'elle ne rechignait jamais à pénétrer dans de tels établissements, à renverser accidentellement quelques thés, et à écraser par inadvertance